femme. C'est ainsi que cela s'est passé, en pleine rue, sur le carreau de la halle. Une jeune fille qui portait de la fleur d'orange. C'est vraiment inouï, c'est incroyable. C'est scandaleux. Oui, c'est tout. Oh, ma chère Lange. Ne parlons plus de cette jeune fille. J'ai obtenu de Barras qu'on me l'amènerait dans la soirée. Vous l'amenez? La tirer de sa prison? Parfaitement. Je veux savoir par elle-même le motif de ses attaques. La prison ne me dirait rien. Je veux que la prisonnière me dise quelque chose. Mais que fait donc mon perruquier? Ercilie, voyez si le citoyen Pomponnet est arrivé. Oui, citoyenne. Et ne revenez qu'avec lui. Vous renvoyez votre officieuse? N'avons-nous pas à parler de notre grand projet? Quand nous réunissons-nous? Mais cette nuit. Cette nuit? Le rendez-vous est à minuit. Où donc? Ici. Comment, chez moi? Et l'on ne me prévient pas? J'en étais chargé. C'est la ridicule histoire de ce matin qui me l'a fait oublier. Mais pourquoi chez moi? Mais pour inspirer moins de soupçons. Mais sans doute, on sait que tu es l'ami de Barras et que cet hôtel est isolé, rue de Clichy. Mais raison de plus! Si l'on voit la nuit, dans ce quartier désert, tous nos amis se diriger vers cette maison, on va pas... Oh! Il me vient une idée. Je ferai tout illuminer comme pour un bal. On ne saurait prendre trop de précautions. Les soldats d'Augereau ont appris que nos amis avaient pour signe de ralliement un collet noir et une perruque blonde. Et depuis hier, ils nous font une guerre acharnée. Mais oui, rue de la Marche et boulevard des Italiens, ils se sont rués sur tous les porteurs de collets noirs. On parle d'arrestation. Oh, mais patience, patience.